Voici Histoire vivante, très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Les hommes sont les seuls qui développent une habileté de la main de façon aussi systématique et aussi caractérisée. Les races supérieures renferment très peu de gauchers. Au contraire, la gaucherie serait fréquente chez certaines races inférieures. Cette semaine, genre et latéralité. Dans le monde parfait, dans la cité de Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas de gauche. En fait, tout n'est que droite. Dieu n'est que main droite, il n'y a que de la droite, en fait, au royaume céleste. Les minorités montent au créneau. Si le monde est véritablement gaucher à l'heure actuelle parce que nous sommes dans un drame, eh bien, c'est parce que nous vivons esclaves de nos enfers. Un gaucher, lui, il préfère sa main gauche à sa main droite. J'ignore ce qu'il en est exactement en ce moment, mais je peux certifier qu'il n'y a pas si longtemps, parmi la magistrature, l'épiscopat et le parlement anglais, il n'y avait pas un seul cas de gaucherie ou d'ambidextrie. J'affirme aussi qu'à l'heure actuelle, il n'est, sans la moindre exception, ni de membre de l'Académie royale de Londres, ni de membre associé de l'Académie royale de Londres, ni de membre de l'Académie royale d'Écosse, ni de membre associé de l'Académie royale d'Écosse qui soit gaucher ou ambidextre. À l'inverse, il est clair que cette particularité est extrêmement fréquente chez les débiles mentaux. Pierre-Michel Bertrand, on se retrouve également aujourd'hui pour nous aventurer dans cette histoire des gauchers qui a ouvert aujourd'hui avec cette citation burlesque involontaire James Christian Brown qui nous permet de dire que, au fond, l'histoire des gauchers, elle n'est pas jalonnée que d'épisodes sombres, dramatiques et intolérants. Il y a un âge de la tolérance qui n'est pas forcément celui que l'on pourrait penser. Mais on va y venir dans un moment. J'aurais voulu vous poser cette première question. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, alors qu'à l'évidence, les gauchers ont été martyrisés, ont été ostracisés, avec tout un tas d'exceptions évidemment, mais qui souvent quand même confirment la grande règle, qu'il n'y ait pas eu, à l'heure, disons, de la victimisation générale, des mouvements sociaux, des manifestations. On a fortement, du côté des gauchers, économisé les haut-parleurs, les banderoles. Quelques CRS ont tiré des fusées et des grenades lacrymogènes à l'intérieur des appartements. Les heurts avec les forces de police, les lançages de pavés divers et variés. Le gaucher a plutôt tendance à ne pas la ramener une fois encore. Alors, est-ce que vous expliquez ça par le fait que la tolérance s'est faite d'elle-même à l'intérieur d'un monde qui ne l'était pas? Est-ce que ceci explique cela? Ou est-ce que ça explique cela comme ça? Oui, alors bon, déjà, il faut peut-être aussi, comment dire, relativiser, si vous voulez, c'est vrai qu'on a employé des fois des mots un petit peu forts, qui sont justifiés dans certains cas, hein, faut être honnête, mais bon, des mots comme persécution, par exemple, bon, ça n'a rien, si vous voulez, ce qu'ont subi les gauchers n'a rien à voir à ce qu'ont pu subir certaines minorités par le passé, des minorités religieuses, des minorités sexuelles, des minorités politiques. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières envers les gauchers, donc le gaucher a ceci de particulier, c'est que voilà, il peut en fait appartenir à toutes les catégories. Il peut être du bon côté du manche, du mauvais côté. Il peut être sur les barricades dont vous parliez tout à l'heure pour d'autres raisons. Voilà, c'est pas une catégorie à part. Et ce qu'on lui a fait subir, ça reste quand même très modéré. Et aujourd'hui, des fois même, j'ai un petit peu de gêne, un petit peu de scrupule à parler des problèmes des gauchers quand je sais que voilà, il suffit ne serait-ce que de mesurer moins d'un mètre 60. Certains urinoirs en ville leur sont interdit. Ça, si c'est pas de la discrimination, faudra ce qu'on me dise ce que c'est. Voilà, c'était une mise au point, je voulais dire ça. L'intolérance envers les gauchers est un phénomène récent. Avant le 19e siècle, grosso modo, le gaucher, on le laissait tranquille, on le laissait vivre sa différence à peu près sans problème. Et puis, bah, cette tolérance qui est arrivée au 20e siècle, en effet, c'est une prise de conscience progressive, hein, notamment de la communauté scientifique, et notamment au vu des dégâts qui étaient causés sur la population gauchère par la répression de ses représentants. Hein. Quelqu'un, par exemple, comme Vera Kovarsky, c'est une psychologue française, une psychologue scolaire, qui a fait énormément, enfin qui s'est battu pied à pied, bec et ongles pour la défense des gauchers, hein, parce qu'elle voyait que vraiment il y avait un vrai problème. Il semble urgent, 1. D'éclairer l'opinion publique, et en particulier les parents et les éducateurs, cultivés ou non, au sujet de la gaucherie, en faisant ressortir qu'elle est une disposition congénitale naturelle que l'on rencontre chez un nombre assez élevé d'individus et qui doit être respectée. 2. De saisir les autorités compétentes pour que des instructions soient données dans tous les établissements destinés aux enfants, crèches, écoles maternelles, primaires, primaires supérieures, lycées, hôpitaux, préventoriums, colonies de vacances, afin que l'on laisse un enfant gaucher se servir librement de la main gauche. Quelques troubles de l'intelligence et du caractère chez les gauchers, Vera Kovarsky, 1937. Voilà, il y a des gens un petit peu plus éclairés que les autres qui ont alerté l'opinion, des lanceurs d'alerte, on dirait aujourd'hui. Hein, et puis ça fait son chemin. Et vous savez que là aussi, je pense que l'exemplarité des gauchers épanouis, des gauchers géniaux même, a certainement aussi beaucoup fait. L'histoire est scandée comme ça de hautes figures gauchères, des gens qui montraient aux yeux ébahis de la majorité droitière et imbus d'elle-même, mais qui montraient que en fait là on faisait des très belles choses avec la main gauche, au moins aussi bien et peut-être certaines des fois un petit peu mieux, hein, qu'ont fait Léonard de Vinci. Un Jimi Hendrix ou un Paul McCartney dans les années 60, ils sont tous les deux gauchers. Ils ont sans doute, à mon avis, fait beaucoup plus pour la cause, pour la libération, l'émancipation des gauchers qu'un papier savant dans une revue spécialisée. Donc voilà, les choses se sont faites doucement. Il n'y a pas eu en effet besoin de revendiquer, de lancer des pavés dans les vitrines et de séquestrer des députés pour obtenir gain de cause. Voilà, les choses se sont faites lentement, très lentement, nous sommes bien d'accord, dans nos pays latins. Ça a été très rapide aux États-Unis, plus rapide en Angleterre. Mais chez nous, vraiment, il y a une inertie sociale qui est assez confondante, c'est vrai. Michel Bertrand, une exhumation au cimetière dans le Yorkshire va s'avérer être une révélation archéologique. Pouvez-vous nous raconter de quoi il s'agit et en quoi cette exhumation va bouleverser les interprétations que l'on pouvait faire sur le plan historique ? Pierre-Michel Bertrand, historien. Oui, alors je le disais en précédente émission, si vous voulez, il n'y a rien dans les documents d'archives du Moyen-Âge qui laisse à penser que les gauchers aient été persécutés de manière institutionnelle et délibérée. Je le dis, et on les a sans doute laissés tranquilles pour des raisons toutes simples. C'est que, en fait, l'immense majorité des gens ne savaient pas écrire, donc on vous met un gaucher à côté d'un droitier, on voyait pas trop la différence. Et moi, j'étais assez persuadé pendant très longtemps que, en effet, le Moyen-Âge aurait une sorte d'âge d'or pour les gauchers, une sorte d'âge d'or qui s'est assez vite été terni par la suite, après la Renaissance 17e, 18e, et apothéose, apogée de l'intolérance envers les gauchers 19e. Et en effet, dans les années 80, on a fait une analyse archéologique d'un cimetière médiéval à Warham Percé, dans le Yorkshire, le nord de l'Angleterre. Donc une série de tombes qui dataient entre le 12e et le 15e siècle, et on sait, les archéologues se sont pris à mesurer simplement la longueur de l'avant-bras. Hein, on sait que l'avant-bras droit d'un droitier est plus long que son avant-bras gauche, hein, parce qu'il travaille plus, etc. Et donc on a mesuré tout cela et on s'est aperçu que les gauchers, et alors la grosse stupeur en effet, que les gauchers en fait étaient dans ce cimetière médiéval, encore une fois, 12e, 15e siècle, ils étaient entre 16% et 19%. C'est-à-dire qu'ils avaient à peu près, voire un taux supérieur à celui qu'on connaît aujourd'hui dans nos démocraties occidentales, qui se targuent volontiers d'être libérales et permissives. Donc ce qui confirme bien, en effet, que le Gaucher, c'était un cimetière médiéval rural, hein, c'était pas une population des villes, eh bien les Gauchers, ils avaient le droit de citer, enfin encore une fois, ils avaient le droit de vivre, tout simplement, mais ils n'avaient pas le droit de vivre en tant que Gauchers, c'est-à-dire qu'ils vivaient leur vie, et s'ils se sentaient plus à l'aise à manier l'outil de la main gauche, eh bien ils utilisaient la main gauche, et encore une fois, personne n'y trouvait à redire. Donc l'archéologie vient confirmer en fait ce pressentiment, cette intuition qu'on a à la lecture des sources médiévales. On ne fait pas la chasse aux sorcières pour les gauchers. Jamais, jamais. On va jusqu'au 19e siècle pour ainsi dire jamais. On a l'impression, Pierre-Michel Bertrand, qu'il y a comme une sorte de refus d'obéir au canon. Vous nous l'expliquez hier, tout de même la religion, tout de même la représentation picturale fixe quand même l'ordre des choses où la droite l'emporte très nettement sur la gauche, alors même qu'on a l'impression au niveau, disons, de la pratique quotidienne, de la vie de tous les jours, on ne s'en laisse pas compter, et si un gaucher peut être utile pour couvrir un toit, par exemple, ou pour n'importe quelle autre activité, bien évidemment, il va faire partie du genre humain. On a l'impression d'un fossé entre le dogme, d'un côté, et les usages de l'autre. C'est clair, vous avez entièrement raison. En fait, on s'arrange très bien à gaucher, et on ne lui cherche pas des dans la tête du moment qu'il fait son travail correctement. Ça a été, pour les activités à forte valeur ajoutée symbolique, comme l'écriture, comme les règles de civilité, utiliser plutôt sa main droite, on le disait hier, pour se dire bonjour, mais utiliser sa main droite pour enlever son chapeau, etc. Là, toutes ces activités-là, en effet, la gauche est bannie, est taboue. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, oui, aucun problème. Alors, sauf à une période, on en a déjà parlé, une période vraiment vraiment noire pour les gauchers, c'est cette société industrielle du 19e siècle. Grosso modo, à partir de 1850, les décréter de manière institutionnelle et étatique une éradication des gauchers. Et là, je pèse mes mots, hein, c'est vraiment, on est vraiment dans un délire eugéniste, c'est-à-dire qu'on pense que la gaucherie, en fait, le fait d'utiliser sa main gauche entraîne toutes les perversions possibles. Ça durait une soixantaine d'années. Il faisait vraiment très mauvais vivre pour un gaucher dans la deuxième moitié du 19e siècle. Très mauvais vivre. Un savant anglais va incarner l'esprit de tolérance. Il s'agit de Thomas Brown. Thomas Brown qui va vous l'indiquer dans votre ouvrage, Pierre-Michel Bertrand, l'histoire des gauchers, des gens à l'envers, paru chez Imago, qui va un peu vouloir revenir sur, disons, les jugements populaires, les erreurs populaires. Vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors il écrit cet ouvrage au XVIIe siècle sur un livre sur les préjugés où il remet en cause un certain nombre de préjugés. Bon, c'est pas une prise de parti politique, mais voilà, c'était un esprit éclairé. Et en fait, il a pas beaucoup marqué les esprits parce qu'au XVIIe siècle, on n'a pas trop regardé ça avec intérêt en fait. Mais il a été traduit Thomas Brown au XVIIIe siècle en France. Et là, il y a eu beaucoup d'influence, en effet, c'est-à-dire qu'il met en cause certaines opinions reçues, notamment celle qui veut que la droite soit meilleure que la gauche, mais il dit, mais non, pas du tout, une main gauche qui apprend son métier, une main gauche qu'on laisse travailler, elle est aussi à droite qu'une main droite. Et là, au XVIIIe siècle, alors là, on est à l'époque des Lumières, là, ça fait tilt, hein, en effet, là, on est à une époque où... on se dit, mais oui, enfin, on met un petit peu en cause, enfin, en tout cas, on passe tout au crible de l'esprit critique, et là, il y a vraiment une bouffée d'air pur pour les gauchers, en tout cas, en Europe, on va dire, hein, il y a une bouffée d'air pur, c'est-à-dire qu'on a considéré que la main gauche, elle valait bien la main droite. Alors, on n'a pas défendu les gauchers pour autant, hein, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on a surtout prôné une éducation ambidextre, on pensait qu'en fait, il n'y avait pas de différence entre la main gauche et la main droite, donc il fallait apprendre des choses avec la main gauche. Hein. Le gaucher qui se sentait vraiment gaucher et qui se sentait mal avec sa main droite, voilà, n'était pas pris en compte. On n'a pas cherché à le défendre. Hein. On n'a pas cherché à défendre l'individu. Simplement, ce sont des considérations, des théories, pédagogiques qui prônaient donc un usage équivalent et à peu près équitable et équilibré entre les deux mains. C'est l'utopie ambidextre qui commence à pointer son nez au XVIIIe siècle. Thank you. Pierre-Michel Bertrand, dans votre histoire des gauchers, vous faites énormément de références, elles sont littéraires, elles sont picturales. Comment vous y êtes-vous pris pour travailler, pour bosser? Vous nous le disiez en début de semaine, c'était un champ en friche, il y avait eu très peu, en tout cas en territoire francophone, de recherche évidente, donc c'était formidable pour un historien, il y a de la place. Mais du coup, il y a peut-être aussi des difficultés de méthode dès lors qu'on les invente. Comment ça s'est traduit pour vous? Une bonne question. Surtout que j'ai travaillé là-dessus avant l'ère d'Internet, qui m'aurait peut-être un petit peu facilité les choses. Et bah, écoutez, on fait comme tous les historiens font, c'est-à-dire qu'on dépouille. On dépouille, et puis on trouve des fois un petit indice qui va nous permettre de dévider une bobine ou ramener un autre indice, etc. Et puis c'est un travail de bénédictin. Mais j'ai un petit peu triché en ce sens où, je vous le disais, c'est consécutif à ma thèse que j'ai faite dans les années 90, où j'ai mis quand même un certain nombre d'années, 7 d'ailleurs pour être exact, où j'ai pu mettre de la documentation de côté et trouver des choses et voilà, me constituer un dossier pendant des années pour pouvoir l'exploiter un petit peu plus tard. Mais en effet, c'est une recherche tous azimuts. Après, c'est un petit peu au feeling, hein. On finit par avoir du flair. Vous savez, on est comme un chasseur de truffes, hein. On se dit, oh là, il y a, à mon avis, un filon par là. On ne sait pas trop, c'est un petit peu intuitif. Mais il faut, en effet, lire. J'ai passé des fois des heures, peut-être des dizaines d'heures avant de trouver juste quelques lignes qui pouvaient m'intéresser. D'où cette impression de profusion, en effet, de documents, moi qui est lié au fait que j'y ai passé quand même beaucoup, beaucoup d'années, en effet. Histoire vivante, cette semaine, les minorités montent au créneau. Les gauchers. La main droite figure les premiers mouvements de la volonté, de la sensibilité, qui tentent à nous faire réaliser en acte ce que nous avons conçu en pensée. Prenons donc garde que la meilleure partie de nous-mêmes ne se laisse aller rapidement au vice. En effet, si notre main droite vient à buter, combien en sera-t-il plus pour notre gauche? Si l'âme se laisse aller, combien davantage le corps plus enclin au péché? Les enfants gauchers éprouvent assez fréquemment de grandes difficultés dans presque toutes les formes de coordination musculaire délicate. Ceci est particulièrement vrai pour ceux que j'ai qualifiés d'ambisénestres. Ils louchent, bégayent, traînent les pieds, pataugent comme des phoques hors de l'eau. Empotés dans la vie quotidienne et balourds dans leur jeu, ce sont de véritables incompétents, des propres à rien. Et il est évident que leur inaptitude généralisée provient tout autant de leur caractère instable que de leur manque d'intelligence. Pour la plupart d'entre eux, le contrôle et l'équilibre nerveux sont manifestement pauvres dans tous les domaines. Des tics, des spasmes, des manies bizarres et incoercibles, des obsessions mineures de toutes sortes sont continuellement observées. Cyril Burt, fondateur de la statistique psychologique. Le chemin de droite signifie toujours la route du bien,

Témoignage de Frédéric Tilney, paru dans Archives de neurologie et de psychiatrie, 1936. Là où il y a gaucherie, le caractère sexuel opposé semble prévaloir. Non seulement cette affirmation est toujours juste, mais son inverse l'est également. Lorsqu'une femme est virile et que l'homme ressemble à une femme, nous trouvons une prévalence du côté gauche. Celui qui sait cela possède la baguette du sourcier pour dépister la gaucherie. Ce diagnostic est infaillible. Wilhelm Fliess. Histoire vivante, cette semaine, les minorités montent au créneau. Pierre-Michel Bertrand, ce que il est prouvé par ces nombreuses lectures que nous venons d'entendre, c'est que le gaucher a fait écrire, et on a presque envie de dire, il a fait écrire longtemps. Est-ce que pour vous ça a été tout de même sujet d'étonnement, parce qu'à la fois on a l'impression que le problème n'est pas vraiment posé, il n'est jamais vraiment posé, d'ailleurs les historiens s'en sont très peu emparés, lors même qu'on a beaucoup et depuis longtemps écrit sur la chose. On écrit sur le gaucher depuis qu'il pose problème. À part quelques textes, on a parlé tout à l'heure de Thomas Brown, quelques textes qui sont très rares, hein, très rares, quelques textes du XVIIIe siècle aussi, et au XVIIIe siècle on commence à parler de ces choses-là, mais dès lors que le gaucher en effet tout d'un coup fait tâche, hein, je pense que l'expression est adaptée, elle fait tâche, tous les scientifiques, tous les savants qui ont une opinion à donner, et d'ailleurs on en voit beaucoup en ce moment, en cette période de confinement, on nous dit beaucoup de choses et tout, et c'est un petit peu son contraire. Voilà, il y a toujours des gens qui essaient de vouloir percer le mystère de ces irréductibles gauchers. Et donc alors là, au 19e siècle, en effet, la littérature est absolument foisonnante, énorme, mais en fait très peu historique. Pour toute la période avant le XVIIIe siècle, on a strictement rien. C'est-à-dire qu'on est dans l'ignorance totale. Et j'ai cette prétention, excusez-moi, mais j'ai cette prétention, et en effet, de dire que jusqu'à ce que je m'y intéresse, on avait juste 2-3 éléments, bien souvent assez inexacts d'ailleurs, qu'on répétait comme ça de livre en livre, mais aucune idée de ce qui pouvait se passer autrefois. Le gaucher, le cas gaucher, intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup les scientifiques, les médecins, les psychologues, mais pas du tout les historiens, en fait. Demain, la suite de l'entretien auprès de Pierre-Michel Bertrand, auteur d'une histoire des gauchers, paru chez Imago. Nous reviendrons sur l'époque du rejet, à nouveau, l'époque de la tolérance, et la terrible séquence de la Première Guerre mondiale qui laissera sur le pavé grand nombre d'estropiés. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch.